إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن أعظم الوصايا التي وصى الله بها عباده المتقين من خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تقوى الله عز وجل ذلك أن الله أمر المرسلين جميعا أن يأمروا أقوامهم وأن يوصوهم بتقوى الله قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإذا تأملت سورة الشعراء وجدت أن كل رسول يأتي ويقول لقومه كما في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون هذا فيه الحث والترغيب والأمر بالتقوى وقال أيضا في قصة صالح في قصة قوم صالح وفي قصة قوم هود وللرسل جميعا أن ائمروا أقوامكم بتقوى الله قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فالأمر بالتقوى أجمعت عليه الرسل وهو أعظم وصية على الإطلاق وآخر من وصى أمته بتقوى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وهذه حقيقة التقوى قال العلماء التقوى أصلها مأخوذة من الوقاية من وقى يقي إذا كان الشيء وقاية لشيء إذا كان شيء وقاية لشيء آخر قيل هذا وقاية وهذا اتخذ تقوى من ذلك الشيء ومنه كما قال العلماء فحقيقة التقوى أن تجعل بينك وبينه أو بينك وبين ما تخافه وقاية ولهذا قال بعض السلف في تفسير تقوى الله هي أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله وأن تخشى عقابه على نور من الله يعني أن التقوى جمعت في الأمر والنهي بين أن تكون ممتثلا للأمر على نور من الله وأن تكون مبتعدا عن المنهيات على نور من الله ترجو ثواب الله فيما تمتثل من الأوامر وتخشى عقاب الله فيما تنتهي عنه من النواهي. إذا تبين هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين بتقوى الله حيث أمر ذلك الذي استوصاه فقال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وتقوى الله في القرآن أقسام، منها التقوى العامة التي خاطب الله بها جميع الناس في نحو قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وفي نحو قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال العلماء هذه المرتبة هي مرتبة التي يجب تحصيلها على كل أحد، فهذه التقوى يؤمر بها المسلم ويؤمر بها الكافر، وحقيقتها أن تكون موحدا لله جل وعلا مبتعدا عن الشرك ووسائله، لأن أول درجات التقوى أن تتقي عذاب الله وأن تتقي سخطه وأن تتقي العقوبة في الدنيا وفي الآخرة بأن تكون موحدا مخلصا لله مبتعدا عن الشرك ووسائله. قالوا وهذا لا بد فيه من علم، لا بد فيه من علم وتعلم، لأن تحصيل التوحيد وفروعه في القلب لا بد له من علم. فمن الناس من لا يعرف أن كثيرا من الأمور التي عدها العلماء من أفراد التوحيد أنها من التوحيد، وذلك لعدم علمهم بذلك، وكذلك لا يعلم أن بعض الشركيات التي قد يمارسها بعض الناس أنها من الشرك. وهذا إن كان كذلك ولم يتعلم التوحيد والشرك فإنه لم يحصل هذه الوصية العظيمة التي وصى الله بها المرسلين والأنبياء وأمرهم أن يوصوا أقوامهم بذلك. فأول الدرجات أن تكون سعيا حثيثا في أن يكون قلبك مع الله، وصلاح القلب ونوره إنما يكون بتخليص القلب من أن يكون فيه رغب ونظر إلى غير الله، فإن هذه حقيقة لذة القلب، لأن مكان التقوى هو القلب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات، التقوى هاهنا التقوى هاهنا. فصلاح القلب في تحصيل هذه الدرجة العظيمة من تقوى هي أن تخلص القلب من غير الله، وهذا إنما يكون بالمحاسبة، فإن لذة القلب إنما هي بالله. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله تلميذه ابن القيم الجوزية رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، أو من لم يعرفها لم يعرف جنة الآخرة. وهذه الجنة التي في الدنيا هي جنة لذة القلب بمعرفة الله وتوحيده والأنس به، فإن القلب المخبت المنيب أحوج ما ترى أن يكون مقبلا على الله منقطعا عن الخلق، يعني أنه إذا خالط الناس يخالطهم مخالطة الكاره لذلك. وأما قلبه فإنما هو معلق بالله في الأقوال وفي الأعمال، إذا تحرك قلبه فإنما يتحرك لله، وإذا فكر قلبه فإنما يفكر في أمر الله وفي دينه وفيما يحب أو فيما يجب عليه وفيما يحرم عليه. وأساس هذه الدرجة أن يكون القلب معلقا بالجنة خائفا من النار قال تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم يوم القيامة من المحضرين ثم هو يوم القيامة من المحضرين يعني ذلك القلب الذي قامت به التقوى وأثمرت عملا صالحا واقترابا من الأوامر وبعدا عن النواهي فإن لكل شيء وسيلة فينظر إلى الجنة وما فيها إلى النعيم ويوشك في يقينه أن يصير إليها إن رحمه الله ومات على الإيمان وعلى التوحيد وينظر إلى النار وما فيها من غضب الله وما فيها من خبر الله عما في النار من النكال والعذاب فيخاف ويرى نفسه كأنه إن لم يرحمه الله قد واقع ذلك العذاب صلاح القلب بأن لا تغيب الجنة ولا النار عن ذلك القلب لحظة واحدة فإذا كان القلب أتاه هذا النور وهذا الصلاح كان متقيا لله بأعظم أنواع التقوى ألا وهو تحصيل الطاعات وتحصيل التوحيد وفروع التوحيد والبعد عن الشرك وهذا يحتاج إلى العلم وهو معرفة التوحيد ومعرفة ضده وهو الشرك ويحتاج إلى تعلم لا بد للعبد أن يراقب نفسه ويحاسبها هل حصل هذه المرتبة من التقوى أم لم يحصلها أو لم يحصلها لأن التوحيد له فروع كثيرة ومن أنواع الشرك ما ينافي كمال التوحيد ومنه ما ينافي أصل التوحيد والمرتبة الثانية من التقوى هي تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه كما قال طلق بن حبيب في تعريف التقوى أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله وكل أمر يحصل التقوى إذا كنت تمتثله من أوامر الله يزيد التقوى في قلبك ثم المرتبة الثالثة من مراتب التقوى وهي التي ربما لم يحصل عليها إلا الخاصة من الناس وهي أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس ويترك الأشياء التي يشك فيها خشية أن يواقع المحذور وهذا يكون بترك المشتبهات وهناك مشتبهات أو متشابهات متعلقة بالنظر ومتعلقة بالكسب ومتعلقة بأداء العمل فمن ترك المشتبهات وابتعد عنها كان بعيدا عن الحرام وكان قريبا إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله رب العالمين Le sujet de la khutba aujourd'hui est sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala التقوى Et c'est la plus grande le plus grand des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala à sa création. Et c'est la plus grande chose que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son serviteur. À son serviteur qui a la crainte en lui, qui a le taqwa. Depuis que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala termine cette dunya jusqu'au jour de la résurrection. Et ce plus grand commandement, c'est le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir le taqwa. Et bien entendu, on dit taqwa en arabe et en français, on dit souvent, on traduit par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, c'est, comme on va le voir, c'est pas vraiment une traduction qui est correcte. C'est juste une partie de la signification de at-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à tous les messagers d'ordonner à leur peuple de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a commandé de craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets, comme lorsqu'il dit وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Nous avons enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous, de même qu'à vous-même, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu as implémenté la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu rentres dans cet ordre qui a été ordonné à tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des sourates dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple de plusieurs messagers qui ont été envoyés à leur peuple. Et on voit que à chaque exemple, à chaque messager, à chaque prophète, on voit qu'il termine ou il commence son appel par le fait de dire à son peuple de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans l'exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit que le peuple de Noé a traité les messagers de mensonges. Ils ont traité les messagers de mensonges. Lorsque Noé leur a dit de croire à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont refusé de croire. Et Noé leur dit, ne craignez-vous donc pas, n'avez-vous donc pas taqwa. Et donc, il incite les gens donc à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et à avoir taqwa. Et il y a également dans l'exemple de Salih et dans l'exemple de Hud et de d'autres messagers également, tous les messagers en fait, ils ont tous ordonné à leur peuple de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'ordre de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose au sujet de laquelle tous les messagers ont été d'accord. Et c'est le plus grand de tous les commandements, sans exception. Et le dernier des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a également ordonné et conseillé et enjoint à sa ummah de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ulama ont défini al-taqwa en disant que c'est à la base que ça vient du mot wiqaya. Al-wiqaya, c'est-à-dire une protection, de prendre une protection. Ça vient du verbe waqayati, c'est-à-dire quand tu te protèges de quelque chose en utilisant quelque chose, c'est de là que ça vient, al-wiqaya. Donc ça veut dire que par exemple tu veux te protéger de la chaleur, quand il fait chaud tu veux te protéger du soleil, tu vas te couvrir avec un parasol. Tu veux te protéger du froid, tu utilises un manteau pour te couvrir. Eh bien, taqwa, c'est la même signification que ça. C'est de chercher une protection entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la façon de trouver cette protection-là, c'est de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne et de t'écarter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Et voilà donc la signification de taqwa dans son sens plus complet. Donc tu mets entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala une protection contre son châtiment. Et c'est pour cette raison que certains d'entre les salafs, les ulama et les imams du passé parmi les premiers musulmans, lorsqu'ils définissaient al-taqwa, ils disaient que c'est d'obéir à Allah en se basant sur une lumière qui vient d'Allah, c'est-à-dire une science, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas de craindre Allah n'importe comment. Tu crains Allah selon tes propres pensées, tes propres idées, tes propres émotions. Non. Tu crains Allah comme Allah te demande de le craindre et selon la science que Allah a révélée. C'est ça la vraie réalité de la crainte d'Allah. Donc tu obéis à Allah en te basant sur une lumière venant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah en faisant ça, et yani, en espérant sa récompense, et tu t'écartes également de ce que Allah t'a interdit parmi les péchés, en craignant le châtiment d'Allah, en te basant également sur une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire sur une science et sur une connaissance. Tu t'écartes de ce que Allah t'a interdit. Et c'est comme ça qu'on doit craindre Allah. On ne doit pas craindre Allah avec ignorance. Il faut craindre Allah avec science, avec connaissance, avec compréhension. Et donc, c'est ça la signification de At-Taqwa. C'est de respecter les ordres et de s'écarter des interdictions, et de le faire dans le but d'implémenter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur une connaissance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur une lumière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en s'écartant de tout ce qui nous a été interdit en se basant également sur une science venant d'Allah, et on fait ça en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'on a fait comme obligation et dans ce qu'on s'est abstenu de faire parmi les interdictions. Et tu crains le châtiment d'Allah pour qu'est-ce qu'il t'a interdit de faire, et tu t'abstiens de ce qu'il t'a interdit. Et donc ça, c'est l'exemple lorsque l'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander un conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui disant: Istaqillah haythuma kunt, crains Allah subhanahu wa ta'ala là où que tu sois, et fais suivre la mauvaise action par une bonne lorsque tu fais un péché, et bien pour te faire pardonner de ce péché là fais une bonne action par la suite pour faire effacer le péché que tu as fait. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est de différentes catégories dans le Coran. Il y a la taqwa qui est générale. Taqwa qui est générale, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à toute l'humanité entière et qu'il dit: Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Oh, vous les hommes, craignez votre Seigneur. Ayez at-taqwa. Donc, ce n'est pas quelque chose dans ce cas-là qui est limité seulement aux musulmans ou aux croyants. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à toute l'humanité, à tous les hommes, les croyants et les non-croyants, les mu'minines et les kafirines, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça signifie de craindre Allah? Ce degré de taqwa, ça signifie d'établir le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'adorer Allah seul et de s'écarter et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'écarter du shirk, c'est-à-dire de s'écarter d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et donc ça, c'est le premier degré, et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à tous les hommes, tous les êtres humains sur la terre, parce que c'est la base de la foi, c'est la base de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un n'a pas établi le tawhid, il ne craint pas Allah, il ne peut pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le shirk, si quelqu'un connaît le shirk, c'est le plus grand des péchés, c'est le plus grand des péchés. Et quelqu'un qui adore Allah autre que Allah, quelqu'un qui adore d'autres que Allah ou d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas prétendre craindre Allah, puisque celui qui commet le shirk, il est garanti pour l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Celui qui commet le shirk avec Allah, Allah lui interdit le paradis. Donc ceux qui adorent Jésus, qui adorent Marie, qui adorent les saints, qui adorent les tombes, qui adorent le soleil, qui adorent la lune, ou qui adorent des statues, des idoles, des images, des djinns ou d'autres choses parmi les créatures, ils ont commis le shirk, Donc on ne peut pas dire que ces gens-là, ils ont eu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut se repentir du shirk et craindre Allah en établissant le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la première chose que Allah nous ordonne de faire. Hein? Et s'écarter de toutes les formes de shirk, que ce soit les formes majeures, de shirk majeur ou de shirk mineur. Parce qu'il y a des différentes formes de shirk. Il y a des différentes formes de shirk que parfois certaines personnes, ils vont les faire, ils ne savent même pas que c'est shirk. Et il y a des choses qui font partie du tawhid, et ça fait partie de différentes branches du tawhid, parce que le tawhid c'est vaste. Hein? Et le shirk aussi c'est vaste. Alors si tu n'as pas de science, il se peut que tu tombes dans le shirk sans le savoir. Et si tu n'as pas étudié ce sujet, il se peut que tu commettes des actes de shirk sans le savoir, ou que tu négliges certains aspects du tawhid que tu ignores. Et donc c'est pour cette raison-là qu'il est obligatoire d'étudier le tawhid et d'apprendre le tawhid pour être capable d'arriver à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il faut se concentrer sur cet aspect-là en premier pour atteindre ce degré qui est le plus haut degré, qui est at-taqwa. Et donc il faut faire tout son effort, tous les efforts possibles pour purifier notre cœur, pour nettoyer notre cœur, pour réformer notre cœur et pour faire en sorte qu'il ne contienne que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il ne se tourne que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il se tourne uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il cesse de regarder autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à ce moment-là qu'il goûte dans son cœur à la douceur de la foi, à la douceur de ce tawhid. Et lorsque la personne a goûté à ce tawhid, c'est à ce moment-là qu'elle peut comprendre, qu'elle peut savoir que elle a eu at-taqwa, elle a eu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait at-taqwa hahuna, c'est-à-dire la crainte d'Allah, elle est ici, c'est-à-dire elle est dans le cœur. Donc à la base, la crainte d'Allah c'est dans le cœur, hein? Donc il faut commencer par purifier le cœur de toutes les formes de shirk et établir le tawhid dans notre cœur, puis par la suite, bien entendu, ça fait en sorte que nos actions et nos paroles sont purifiées par la suite de toute forme de shirk également. Hein? Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith, Ala wa inna fil jasadi mudra, idha salahat, salahat jasadu kullu, wa idha fasadat, fasadat jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Il y a dans le corps un morceau que s'il est bon, tout le reste du corps sera bon. Et s'il est mauvais, tout le reste sera mauvais. Et il dit, certes, c'est le cœur. Donc il faut commencer par purifier notre cœur de tout ce qui est contraire à Allah subhanahu wa ta'ala, de tout ce qui est contraire à ce que Allah aime, de tout ce qui est shirk, de tout ce qui est péché, de tout ce qui est passion, de tout ce qui est désir, hein? Et faire en sorte que notre cœur se remplisse de tawhid et d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et comme le disait Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, un des grands imams de l'islam, comme un de ses élèves Ibn Qayyim l'a mentionné, que dans cette dunya, dans ce monde actuellement, dans cette vie, il y a un paradis dedans. Et ce paradis là celui qui n'est pas rentré dedans, il ne va pas rentrer dans le paradis de l'autre vie après la mort. C'est-à-dire qu'il y a un paradis dans cette dunya, si tu ne rentres pas dedans, tu ne vas pas rentrer dans l'autre paradis. Et si tu ne l'as pas connu, ce paradis dans cette dunya, tu ne vas pas connaître le paradis de l'au-delà. Et c'est quoi ce paradis dans cette dunya, c'est quoi? C'est le paradis de goûter au plaisir dans notre cœur, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce paradis-là. Donc la personne qui a soumis son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala et qui est repentant à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui est plus important pour ce cœur-là que de retourner et de se tourner vers son Créateur et de se détourner de la créature et de cesser, yani, de chercher à se mélanger aux créatures, hein? Et que si on le fait, on le fait qu'avec dédain, et de se tourner uniquement et de s'accrocher uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala dans nos paroles, dans nos actions, hein? Et que tout ce qui fait bouger notre cœur, c'est notre amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui fait bouger notre cœur, c'est le fait de penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui fait, hein, réagir notre cœur, c'est le fait de réfléchir et de penser à la religion et à ce que Allah nous a ordonné et à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Et donc ça, c'est la base, hein, de at-taqwa. C'est la base de la at-taqwa, que notre cœur soit toujours accroché à la pensée du paradis, que notre cœur soit toujours accroché, hein, à la crainte de l'enfer, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans les versets dans le Coran. Est-ce que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis sa promesse, sa belle promesse du paradis, et qui va le recevoir cette promesse, qui va recevoir ce paradis, est comparable à celui qui a goûté aux différentes jouissances de cette dunya et qui au jour de la résurrection sera ramené devant Allah subhanahu wa ta'ala pour être mis dans son châtiment, hein? Donc il faut comparer entre les deux. Est-ce qu'on va juste se tourner vers les plaisirs de cette dunya et oublier ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les croyants dans l'au-delà du paradis éternel, si on a cru en lui et si on s'est écarté du shirk et qu'on a établi notre tawhid et qu'on a obéi à ce que Allah nous a ordonné de faire, est-ce qu'on s'est écarté de ce que Allah nous a interdit, hein, et regardez en réalité notre objectif ultime et absolu qui est bien entendu Allah subhanahu wa ta'ala et son paradis dans l'au-delà, et oublier toute autre chose parmi les distractions qui peuvent nous faire dévier, nous faire écarter de cet objectif ultime qui est d'atteindre l'agrément d'Allah et d'atteindre le paradis que Allah a préparé pour les mu'minines. Et donc ça, c'est lorsque le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala meurt sur la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il faut bien réfléchir à tout ça, et il faut bien réfléchir à l'enfer que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les mouchriquines et les kuffars, et voir les descriptions des châtiments qu'il a préparé pour les gens de l'enfer, que Allah nous en préserve, et s'imaginer si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous faisait pas miséricorde qu'on serait en train de brûler dans ce châtiment là et faire en sorte que on fasse tout ce qui est en notre capacité et en nos moyens pour faire ce que Allah aime, pour s'écarter des choses qui vont nous amener à l'enfer que Allah a préparé pour les gens qui tombent dans le shirk et qui tombent dans le péché et la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ton cœur, tu ne te sépares jamais de cette pensée-là et de ces réflexions-là. Même pas un instant, tu cesses de réfléchir à ces choses-là, pour que tu restes toujours dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que ça te pousse toujours à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à t'écarter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a donné à un cœur cette lumière, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a donné à un cœur cette pureté et cette réforme, il devient quelqu'un qui a réellement la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est taqi, hein, qui est muttaqi, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qui établit les ordres d'Allah et qui s'écarte des interdictions et qui établit le tawhid dans toutes ces différentes catégories et qui s'écarte du shirk dans toutes ces manifestations et dans toutes ces catégories. Et ça, comme on l'a dit, ça nécessite de la science et ça nécessite de l'étude et de l'apprentissage. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut faire des efforts pour étudier et pour apprendre ce sujet et étudier notre religion et ne pas prendre les choses pour acquis et ne pas dire, ça y est, moi je suis musulman, mes ancêtres étaient musulmans et ça suffit. Hein? Puisque le shaytan, il n'a jamais perdu l'espoir d'égarer les hommes du droit chemin des générations après des générations. Et donc de connaître le tawhid et de connaître ceux qui s'opposent au tawhid, c'est-à-dire le shirk. Et ça, ça demande de l'apprentissage. Il faut l'étudier, ce sujet. C'est pas quelque chose juste comme ça, tu l'entends. Il faut l'étudier de façon approfondie et détaillée pour le connaître et le comprendre et le maîtriser. Parce que c'est la clé de notre paradis. Il faut pas juste le prendre comme ça à la légère. Et il faut toujours rester conscient d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous surveille et nous regarde. Il nous observe et il nous voit et il sait ce qu'on fait et il sait ce qu'on dit dans notre cœur. Et même quand personne nous voit, lui il nous voit. Et même quand personne nous entend, lui il nous entend. Et il va nous ramener vers lui au jour de la résurrection. Toutes ces choses-là nous amènent à avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a également le deuxième degré de taqwa qui est, comme on a dit, de respecter les ordres d'Allah et de s'écarter de ce qu'il a interdit. Comme la définition qu'on a donnée tout à l'heure au début de la khutba de l'obéissance d'Allah sur une lumière venant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah et l'abandon des péchés, en se basant sur une lumière venant d'Allah et en craignant le châtiment d'Allah. Donc plus tu fais ça, et il faut faire l'expérience, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَاتَّقُوا اللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, celui qui crée Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui rendre ou va lui donner une issue facile. Et il va lui donner sa subsistance de là où il ne s'y attendait même pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire l'essai, hein? Quand on dit il faut faire l'implémentation de ce que Allah nous ordonne de respecter dans cette taqwa. Parce que des fois, on a la foi faible et on a de la difficulté à être convaincu de cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut essayer de mettre ça en implémentation, la taqwa, pour voir les fruits que ça va amener dans notre vie, de s'écarter de ce que Allah a ordonné, interdit, et de faire ce qu'il nous a ordonné de faire, pour voir si on respecte ça, qu'est-ce qui va arriver comme changement. Et faites l'expérience dans votre vie de respecter et de rendre votre vie entière une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, et vous allez voir la différence. Et vous allez voir qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner. De respecter les ordres d'Allah dans tout ce que Allah vous ordonne de faire. Chacun d'entre nous, il doit essayer de, disons, dicter à son cœur de se soumettre de cette façon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière catégorie, la dernière sorte de taqwa, c'est la taqwa du fait de s'écarter de ce qui nous amène des doutes. C'est-à-dire de s'écarter des choses qui ne sont pas haram, qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, par crainte de tomber dans quelque chose qui pourrait être haram. Parce qu'il y a des choses, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, al-halal ubayyin, wal-haram ubayyin, wa baynahuma umur mushtabihat, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, faman ittaqa ash-shubuhat faqad istaba'a li dinihi wa 'irdihi. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des choses halal, claires. Il y a des choses haram, c'est clair. Mais entre les deux, il y a des choses, des fois, c'est douteux. On n'est pas certain. Est-ce que c'est halal ou haram? Et il n'y a que très peu de personnes qui savent. qu'est-ce que c'est ces choses-là, est-ce que c'est halal ou haram? Seulement les ulama savent ça, hein, et ceux qui ont étudié et qui cherchent la science. Alors, celui qui tombe dans les choses douteuses, dans la zone grise, il risque de tomber dans le haram. Celui qui s'écarte des choses douteuses, il a préservé sa religion et il a préservé son honneur. Et donc ça, c'est cette troisième catégorie de taqwa qui est la catégorie des élites ou des gens particuliers parmi les musulmans qui ont réussi à atteindre ce degré très très élevé dans leur crainte d'Allah et dans leur foi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واجعلنا من المتقين واصلح قلوبنا وطهر قلوبنا من جميع أنواع الشرك وطهر قلوبنا وعلمنا من دينك ومن توحيدك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم. اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج des lignes droites, ne laissez pas d'espace entre vos pieds, hein? Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.